téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. h 30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Remonter au fondement de nos origines, celles de l'humanité, au plus profond des sociétés primordiales, mieux hantées, diluviennes. Curieusement, les archéologues, et en premier chef les préhistoriens, se posent peu ce genre de questions, puisque ceux-ci ont pour simple vocation de creuser le sol pour mieux s'enfoncer dans le temps. Justement, faire fi du temps pour prendre un autre chemin, changer de perspective et par là même de paradigme, c'est ce que le magazine d'archéologie de France Culture tentera ce soir, non pas en invoquant les nouvelles voies ouvertes par la paléogénomique, mais celles encore plus inattendues de la mythologie, de la préhistoire des mythes. Penser que des mythes encore évoqués de nos jours puissent remonter aux origines de l'homme est bien entendu une idée contre-intuitive. Elle pourrait même soulever réticence, voire polémique. C'est pourtant ce que nous tenterons de percevoir ce soir avec Jean-Loïc Lequellec. Bonsoir. Bonsoir. Tout à la fois incontournable archéologue, anthropologue et mythologue, votre apport à ces disciplines est considérable. Pour preuve, votre dictionnaire critique de mythologie paru en 2017 chez CNRS Éditions. Homme de livres comme de terrain, directeur de recherche émérite au CNRS, votre dernier ouvrage, Avant nous le déluge, l'humanité et ses mythes, vient d'être publié aux éditions Détour, tandis que vous contribuez très largement à un superbe hors-série Le Monde de la vie, l'histoire des mythes fondateurs, voyage dans l'imaginaire de l'humanité, qui vient juste de paraître la semaine dernière. Un partenariat entre France Culture et Le Monde trouvait donc toute sa place ce soir dans notre magazine. Merci en tout cas d'être en ligne de votre Vendée. Jean-Loïc Lequellec, notre espèce adore qu'on lui raconte des histoires. Est-ce pour cela que nous avons des mythes ? Oh oui, principalement. Je pense que c'est la raison qui vient tout de suite à l'idée. Nous sommes tous amateurs d'histoire. On aime tous qu'on nous raconte des belles histoires, des histoires plaisantes. Et les mythes, par définition, ce sont des histoires. Donc on aime bien les mythes aussi. Ce sont des histoires parmi les autres. Dans la querelle des définitions du mythe, quelle serait la vôtre ? Alors, il y a eu beaucoup de définitions du mythe. Ça fait partie de ces grands termes de l'anthropologie qui sont finalement assez difficiles à définir. Mais on peut déjà partir du mot lui-même. C'est un mot grec qui désigne un récit. Donc, un mythe, c'est un récit. Et déjà, ça nous permet de dire que ça ne peut pas être une image, un objet, une personne. C'est un récit. Il faut qu'il y ait une histoire. Alors maintenant, quel type d'histoire ? C'est très généralement une histoire qui est celle d'un changement important et même d'un renversement. Par exemple, une histoire qui va nous expliquer pourquoi, à l'origine, il y a très très très longtemps, la mort n'existait pas. Et puis, d'une certaine façon, que raconte le mythe, la mort est survenue. C'est donc un changement capital, et même un véritable renversement. Et très souvent, ce sont ça. Ce sont ce type d'histoires qu'on appelle des mythes. Ce sont des histoires qui, finalement, justifient l'état présent du monde. Et souvent, en associant des éléments qui peuvent, a priori, nous, modernes, disons, apparaître comme très disparates. Par exemple, ça va être une histoire qui raconte comment les humains sont apparus, pourquoi, à la fois, la même histoire, hein, comment les humains sont apparus, pourquoi les chiens ne parlent pas, pourquoi les chiens ont des poils, d'où viennent les maladies, pourquoi nous mourons, et des choses qui, finalement, sont, dans notre esprit actuel, difficiles à connecter. Ces histoires-là les connectent et les justifient d'une seule haleine. Et il faut souligner, je pense, que peu importe que ces histoires soient vraies ou fausses pour définir le mythe, c'est pas la fausseté ou la véracité, c'est pas un critère qui permet de définir le mythe. On dit souvent, bon, un mythe, c'est une histoire pas vraie, un mythomane, c'est quelqu'un qui raconte des histoires qui sont fausses. Mais non, il n'y a rien dans l'histoire qui permet d'en décider. La même histoire peut être tenue vraie par certains groupes, est fausse par d'autres. Elle peut être vraie à une époque, fausse à une autre. Et le plus souvent, en fait, ce qu'on désigne par mythe, nous, et notamment les mythologues, hein, ce sont ce type de récits que d'autres tiennent pour vrai et que nous, nous considérons comme faux. Ce qui fait que l'altérité est une position fondamentale pour définir le mythe. C'est la raison pour laquelle, disons que nous reconnaissons vraiment si facilement les mythes des autres, et nous avons tellement de difficultés à reconnaître nos propres mythes. La peur de l'absence de sens est une angoisse bien sûr universelle. Justement, le mythe donne du sens. Oui, le mythe donne du sens, ajoute du sens. On dit souvent qu'il explique, mais pas vraiment en réalité. Il justifie les choses, il explique pourquoi les choses sont comme elles sont, sans donner de mécanisme, sans faire de démonstration. Le mythe, disons, montre, il ne démontre pas, il dévoile une vérité qui existe de tout temps et que l'histoire révèle. Il cherche pas du tout à produire une démonstration. On a pensé, notamment au XIXe siècle, hein, que le mythe était une mauvaise science, disons une préscience, hein, que c'était bon les explications du monde que donnaient les gens avant de connaître la science moderne, et que ces gens faisaient ce qu'ils pouvaient et donc ils utilisaient des mythes. Et on a cru que la science pouvait prendre la place du mythe pour donner de meilleures explications. Mais c'est une erreur. Le mythe ne donne pas une explication. Il produit une vision du monde, et une vision du monde qui n'est pas modifiable. Tandis que la science, elle produit une vision du monde qui est amendable, qui peut changer, qu'on peut améliorer. C'est une grosse différence. Et c'est la raison pour laquelle science et mythe continuent de coexister dans notre monde actuel. Jean-Luc Leclerc, Sisyphe, Orphée, le Minotaure, sans oublier Oedipe ou Pandore, les mythes nous paraissent anciens. Pour autant, notre propre société crée-t-elle toujours et encore des mythes ? Oui, alors nos références en matière de mythologie sont souvent des références qui remontent à l'Antiquité. Bon, parce que ça tient aussi à notre culture scolaire. Hein. Effectivement, on a beaucoup affaire à l'Antiquité grecque, parfois un peu égyptienne aussi. Bon, et donc c'est ce qui nous vient à l'esprit. Et on a une grande facilité à reconnaître ces mythes, puisque justement, ce sont pas les nôtres. Ce sont des mythes d'un groupe ancien, disparu, qui parlait une autre langue, etc. Nos propres mythes sont vraiment très difficile à reconnaître. Et l'erreur possible quand on se réfère uniquement à l'Antiquité, c'est croire que les mythes, c'est des choses anciennes qui, maintenant, bon, auraient disparu, ou qui sont intangibles, qui ne bougent pas, et que on aurait cessé à la fois d'utiliser les mythes et à la fois d'en inventer. Ce qui n'est pas vrai. Nous continuons à produire des mythes ou à modifier des mythes anciens pour les adapter au monde moderne. Et ça, bah, disons que on le voit tous les jours en écoutant les informations, par exemple. Le grand remplacement pourrait être un mythe ? Alors, pour moi, typiquement, c'en est un. Typiquement, c'est un mythe, disons, comme si je retourne à ma définition de tout à l'heure, en disant c'est une histoire, on raconte une histoire, et c'est une histoire qui justifie l'état présent du monde, qui lui donne un sens, et qui s'appuie sur un renversement. Il s'est passé quelque chose qui fait que le monde est comme il est maintenant, alors qu'auparavant, il était différent. En gros, c'est ça, la plupart des mythes d'origine nous exposent que autrefois, le monde était différent. Il s'est passé quelque chose que raconte le mythe. Et aujourd'hui, on voit ce qu'on voit. Alors, le mythe du grand remplacement, qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est une histoire qui nous dit, tout allait bien autrefois. Voilà, les Européens, ils étaient en Europe, les étrangers, ils étaient chez eux, les Africains, ils étaient en Afrique. Et puis, il y a eu quelque chose qui a été organisé en secret par un petit groupe d'élite qui a décidé d'organiser ce que certains appellent une submersion migratoire. Hein. Et ces élites qui cachent leur jeu, ont réussi à changer le monde, et depuis, il n'y a plus rien qui va, quoi. Les étrangers sont en Europe, les Européens sont plus chez eux, voilà. Donc, on raconte une histoire, Et cette histoire, pour une catégorie de personnes, c'est-à-dire pour les personnes qui y croient, bien entendu, hein, comme toujours pour les mythes, cette histoire donne un sens à l'état présent du monde qui est jugé par les personnes qui y croient catastrophique. Mais comme explication, ce n'est pas un raisonnement, et même beaucoup de démographes, beaucoup d'historiens ont montré que c'est un raisonnement, c'est une histoire qui ne tient pas debout, qui n'est pas du tout, avérée, confirmée par les faits. Mais comme les mythes ne sont pas de l'ordre de la démonstration et de la science, même si les faits les contredisent, les gens continuent à les raconter quand même. Alors que dans le cas de celui-ci, le mythe donc du grand remplacement, on peut faire son histoire. On voit très bien que c'est un récit qui existait déjà au XIXe siècle. C'était exactement le type de récit qui était tenu par Édouard Drumont, hein, qui évoquait un remplacement, il utilisait déjà le terme, hein, organisé par un complot juif. Voilà. Et c'est la même histoire qui persiste, mais elle s'est actualisée. C'est-à-dire, dans le mythe actuel, l'antisémitisme a été remplacé par l'islamophobie. L'histoire, elle a été actualisée, mais elle reste fondamentalement la même et elle reste fondamentalement un récit d'extrême droite. Dans un autre ordre d'idées, Jean-Luc Lecalec, la mythologie serait-elle en France une science folkloriste, alors que, comme l'évoque Nancy Huston dans leur série du Monde, il y aurait nécessité d'enseigner les mythes du monde pour mieux peut-être permettre de relativiser les nôtres? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce propos de Nancy Huston. Effectivement, en France, du fait de notre histoire, hein, tout ce qui touche au folklore est considéré, disons, de manière un petit peu hautaine. Le folklore est considéré comme quelque chose de pas très sérieux. D'où l'expression, quand on dit « Oh, mais tout ça, c'est du folklore », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais c'est exactement comme quand on dit « Ouais, mais tout ça, c'est des mythes ». Ce sont pas des choses sérieuses. Et ce sont donc pas des choses dignes d'études. Alors que dans beaucoup d'autres pays du monde, le folklore et la mythologie sont des choses qu'on peut étudier dans des très grandes universités. Il y a des doctorats de folklore, des doctorats de mythologie. En France, ces choses ne sont pas enseignées. Pas plus d'ailleurs que l'anthropologie, finalement, où tout ça est un peu enseigné, mais à la marge. Et la plupart des gens passent à côté de ce monde, de tout un savoir qui a été accumulé depuis très longtemps par des savants et des savantes. Et malheureusement, ce savoir qui serait effectivement très utile à l'heure actuelle pour contribuer à se forger une idée sur le monde, comment il va actuellement, les idées qui s'affrontent, prendre un peu de recul, ce savoir-là n'est pratiquement pas diffusé en France, pratiquement inconnu. Ce n'est que par chance qu'on peut par des relations, parfois par des lectures, tomber sur ce monde qui est un monde extrêmement vaste et qui constitue en fait une véritable science. C'est pas du tout quelque chose de rigolo et de finalement un peu méprisable. C'est une science qui pourrait être très utile pour comprendre notre monde et pour s'y situer peut-être de façon plus efficace et en comprenant mieux les enjeux. Toutes les civilisations, sans exception, ont inventé des mythologies pour expliquer l'origine du monde. Les mythes cosmogoniques portant sur l'émergence du monde lui-même se classeraient en plusieurs grands groupes. Alors, si on veut classer hein, les mythes, pour s'y retrouver un peu, parce qu'il y en a tellement, c'est un monde gigantesque, donc c'est pratique de classer pour s'y retrouver. Il y a effectivement une grande catégorie. On peut faire un zoom, en zoomant de façon plus en plus précise, et en partant effectivement du cosmos. Bon, on peut pas faire plus large, hein. Et là, nous avons des mythes cosmogoniques qui racontent l'histoire de l'émergence du monde, de l'origine du monde. Ensuite, vous avez des mythes anthropogoniques, qui nous expliquent l'émergence de l'humanité. Les mythes ethnogoniques qui nous expliquent au sein de l'humanité comment se fait-il qu'il y ait plusieurs groupes humains et non pas une seule population unie et avec une seule langue, etc. Donc vous avez des mythes là qui vous expliquent, qui vous racontent des histoires liées par exemple à la diversification des langues, à la diversification des peuples, aux différentes couleurs de peau, etc. Vous avez les mythes sociogoniques, ce sont ceux qui au sein d'un même peuple là cette fois vous expliquent pourquoi il y a des classes sociales. mondiale. Comment se fait-il? Comment ces classes sont-elles apparues? Et puis, disons, la catégorie la plus, une fois qu'on a zoomé au maximum et qu'on regarde les tout petits détails, on a les mythes étiologiques. Ce sont les mythes qui vous expliquent les tout petits détails du monde, les infimes détails. Par exemple, pourquoi telle feuille d'arbre a telle forme et pourquoi elle est dentelée alors que tel autre arbre a des feuilles non dentelées? Pourquoi la queue de tel animal est très courte? Pourquoi le lièvre a la lèvre fendue? Des choses comme ça. On a toujours des petites histoires qui racontent comment toutes ces choses sont advenues. Alors effectivement, on a des grands types comme ça. Et au sein de chacune de ces catégories, eh bien, on a des milliers de récits qui ont été collectés. Et aussi, on peut les classer. Alors, par exemple, les mythes cosmogoniques, on a différentes catégories de mythes. Il y a des histoires qui vous racontent que le monde a été créé ex nihilo. D'un seul coup, il est apparu comme ça, bon voilà, ou une divinité l'a créé, ou plusieurs divinités, ensuite le processus de création peut varier, etc. Et pour chaque catégorie de mythes, c'est la même chose. Les mythes anthropogoniques, qui nous donnent des histoires sur l'arrivée des humains sur Terre, peuvent expliquer que les humains ont été modelés à partir d'argile, qu'un jour ils sont descendus du ciel ou qu'ils sont tombés du ciel, ils sont sortis du sol, ils sont sortis d'une plante, un dieu les a sculptés dans un tronc d'arbre, etc. Il y a tout un tas de catégories. Tout ça a été très bien étudié par les mythologues qui ont effectivement fait des classifications qui nous aident à nous y retrouver dans cette matière qui est absolument foisonnante. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Luc Lecléc, notre objet, c'est bien sûr, bien entendu, de remonter le temps, mieux voir des cheminements. Tout d'abord, évoquons la collecte. Comment faites-vous dans toute la diversité de ces mythes, de leur origine, de leur langue, de leur support, pour recueillir ces récits, que vous allez ensuite classer, bien sûr? Alors, le recueil, ça peut pas être l'œuvre d'une seule personne, bien entendu. C'est hors de question de seul recueillir des mondes, des récits dans les peuples du monde entier, chez les peuples du monde entier, dans toutes les langues attestées, c'est pas possible. Et donc, on s'appuie sur les travaux de chercheurs antérieurs. Soi-même, on peut collecter des mythes. Moi, j'en ai collecté en plusieurs endroits du monde. Mais l'immense majorité de la documentation, elle est dans les bibliothèques. Ça fait plusieurs siècles que des voyageurs, pas forcément des ethnologues, de simples voyageurs, parfois, souvent au moment des périodes coloniales, des administrateurs coloniaux, des missionnaires, ont recueilli des mythes, mais aussi des ethnologues et ethnographes professionnels, des anthropologues qui ont là travaillé de manière, disons, plus sérieuse, plus scientifique, en faisant parfois des publications de mythes dans la langue originale, avec des systèmes de transcription spéciaux, ce qu'on appelle des traductions juxtalinéaires, où vous avez une ligne dans le texte original et puis la ligne traduite, etc. Et donc ça, finalement, c'est des milliers de récits qui ont déjà été collectés et qui sont là, disponible et que on peut utiliser pour travailler. Évidemment, ces récits, il faut les approcher de façon critique, puisqu'il y a une différence entre le même récit qui va être cueilli par un missionnaire qui prend ça de très haut et qui considère que ce que racontent les gens qu'il est venu évangéliser sur l'origine du monde, ce sont de pures billevesées, et l'approche d'un anthropologue qui va noter scrupuleusement le moindre détail, la moindre hésitation, ou qui va utiliser un magnétophone ou qui va utiliser une caméra maintenant, voilà. Donc il faut avoir une approche critique, il faut regarder un petit peu quelle était l'idéologie des gens qui ont recueilli les mythes, mais de toute manière, ils sont là, ils sont disponibles, et ce, depuis l'Antiquité, puisque depuis que les écritures existent, bon, à la fois du côté de la Mésopotamie, du côté de l'Égypte ancienne, en Chine, enfin les plus anciennes écritures attestées dans le monde, mais aussi en Mésoamérique, des gens ont noté des mythes. Donc on a des mythes qui ont été parfois recueillis très très très anciennement. Ce que le mythologue produit ensuite est tout simplement des cartes issues d'une science, l'aréologie. Voyons donc quelques répartitions de mythes à l'échelle du monde et centrons-nous sur le plongeon cosmogonique. Quel est donc ce mythe que je ne connaissais pas ? Alors, c'est un mythe donc cosmogonique qui nous explique l'origine de la Terre et qui raconte que tout à fait au début, il n'y avait que de l'eau. Ce qui est un grand thème extrêmement commun à de nombreuses mythologies du monde. Hein. Dans la Bible, c'est la fameuse phrase « l'esprit flottait sur les eaux ». Hein. Donc, il n'y avait que de l'eau. Et donc, s'il n'y a que de l'eau, on imagine très bien que ne peuvent vivre que des animaux aquatiques, dont des poissons et puis toutes les bêtes qui vivent dans l'eau, et des oiseaux, puisque les oiseaux peuvent voler au-dessus de l'eau et ne se poseront pas forcément s'il n'y a pas de terre. Voilà. Donc, des oiseaux. Et parmi les oiseaux, il y a une catégorie particulière qui sont les oiseaux aquatiques, qui sont des oiseaux tout à fait bienvenus dans un tel milieu. Et encore mieux, il y a des oiseaux qui non seulement peuvent voler au-dessus de l'eau, mais se poser sur l'eau et plonger dans l'eau. Alors, le mythe brode là-dessus, en disant que le dieu créateur, qui commençait à s'ennuyer dans un monde un peu terne, a demandé à un oiseau réputé pour sa capacité à plonger, le grand plongeon, lui a demandé de plonger pour aller chercher du limon au fond de l'océan primordial, afin de créer la Terre. Et le grand plongeon, pourtant très bien équipé et spécialiste de la plongée, a raté. Il n'a pas réussi, il est remonté, presque asphyxié, sans ramener le limon. Alors, un autre oiseau plus petit, moins bien équipé, disons naturellement, a plongé à son tour, mais il a échoué également. Il a été plus loin, parce qu'il a fait un énorme effort, mais il a échoué également. Finalement, il y a un tout petit oiseau, dont personne n'aurait pensé qu'il allait réussir, mais c'est très souvent comme ça dans les mythes et dans les contes. Hein. C'est le plus petit qui réussit, alors que personne n'aurait parié sur lui. Et lui, il va réussir, il ramène le limon à la surface, et à ce moment-là, le dieu créateur prend le limon et le disperse à la surface, un peu comme on disperse du sel, comme on saupoudre, hein, voilà, du sel sur un plat. Il saupoudre ce limon sur l'océan primordial. Le limon forme une espèce de gel, se solidifie. Les oiseaux se réunissent et battent des ailes pour que le gel prenne et ça forme la terre sur laquelle nous marchons, puisque ensuite le dieu va créer les plantes, les animaux et les humains. Jean-Luc Le Callec, on a recensé 487 mythes de ce plongeon à travers le monde. Comment expliquer que ce mythe retrouvé en Amérique soit aussi présent en Eurasie ? Pourrait-il y avoir plusieurs points de création ? Serait-il dû à la structure particulière de notre esprit, comme le pensait Jung, ou tout au contraire ? C'est une vieille question. Quand on a des mythes complexes, disons, des histoires assez longues à raconter et qui se trouvent dans des endroits très différents du globe, on s'est dit depuis longtemps, mais comment se fait-il ? Est-ce que c'est une coïncidence ou comment se fait-il ? Alors, une idée, c'est que effectivement notre esprit est fait de telle manière que ces histoires-là jaillissent spontanément partout sur le globe, peu importe les cultures, les langues, les époques, partout ça va surgir, parce que nous avons tous le même cerveau, le même esprit. Ça, c'est la thèse de Jung, la thèse des archétypes. Mais justement, l'intérêt de faire des cartes, ça permet de voir exactement de quoi on parle. Si on fait une carte de répartition du mythe du plongeon cosmogonique, par exemple, on s'aperçoit qu'il est absolument absent en Afrique, il est absent en Amérique du Sud, il est absent en Australie, enfin, il y a des continents entiers dans lesquels ce mythe n'est pas du tout attesté. Alors que pourtant, les gens qui peuplent ces continents ont bien le même cerveau que nous et le même esprit que nous. Donc, cette explication ne tient pas. Ce n'est pas quelque chose qui tient à la structure de notre esprit. C'est quelque chose d'autre. Et l'explication la plus probable, c'est que ces mythes se sont répandus en même temps que les gens qui les racontaient. Le monde a été peuplé progressivement, notamment, on sait bien que l'Amérique n'a pas toujours été peuplée de tout temps. L'Amérique a été peuplée essentiellement, peut-être pas seulement, mais essentiellement à partir de la Béringie, à partir de l'extrême nord de l'Amérique. Et les gens qui sont arrivés en Amérique en provenant de l'extrême pointe de l'Eurasie sont arrivés avec les histoires d'origine qu'ils avaient dans la tête, les histoires que leurs ancêtres leur avaient racontées, les histoires qu'on leur avait racontées quand ils étaient petits. Donc 20 000 ans à peu près. L'histoire s'est répandue en même temps que les gens qui ont peuplé le globe. donc à peu près 20 000 ans. En 1884, le comte Hyacinthe de Charançay propose dans un opuscule que ce mythe du plongeon remonterait à la nuit des temps. Pour le prouver, le moyen est de coder les variantes du mythe, d'employer donc des modèles d'arbres phylogénétiques pour remonter dans le temps. Oui, c'est ce qu'a fait par exemple Julien Duy, c'est une méthode statistique, disons, qui s'inspire de la génétique. On remplace les mythes par un code, qui est un équivalent du code génétique, et on fait travailler les mêmes logiciels qui servent à fabriquer, disons, ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Et de la même manière, on peut fabriquer des arbres évolutifs des mythes, et c'est l'un des moyens qu'on a de confirmer l'idée que certains mythes, en tout cas, se sont répandus dans le temps et ont été transmis de génération en génération et à mesure que les humains se déplaçaient sur le globe. On peut suivre comme ça certains mythes depuis la préhistoire. Donc, peut-on retrouver le point d'origine, la date de création de ce mythe du plongeon ? Alors, le point d'origine, non, ça, ce sera certainement jamais. Beaucoup de gens ont essayé depuis longtemps, mais bon, c'est pas possible. Le point d'origine, non. Mais la zone d'origine, oui, c'est possible. Avec cette méthode, plus la méthode de l'aréologie, les deux se confirmant l'une l'autre par des moyens complètement différents, ce qui renforce la probabilité des résultats, là, c'est possible. Et la date d'émergence, c'est pareil, on aura sans doute jamais la date d'origine de tel ou tel mythe. Mais il est au moins possible de construire une chronologie relative des mythes, de montrer que, par exemple, on vient de parler du mythe du plongeon cosmogonique, le mythe du plongeon cosmogonique, on peut démontrer qu'il est plus récent que d'autres mythes, comme par exemple le mythe de l'émergence primordiale de l'humanité. Justement, le mythe de l'émergence a pour point de départ l'Afrique. Celui-ci pourrait être un des plus anciens mythes ayant conquis le monde, on peut dire vers 60 000 ans en Australie, puis l'Amérique. Oui, c'est typiquement un de ces mythes très importants qui a été transporté par les humains partout où ils sont arrivés dans le monde, en particulier en Australie, où ils sont arrivés, pratiquement il y a 65 000 ans. Jean-Luc Lecalec, une dernière question extrêmement brève. Est-ce que les objets que trouvent les archéologues, les préhistoriens, peuvent-ils nous renseigner sur les mythes ? Alors ça, c'est très difficile parce que malheureusement, les objets sont muets. Il est hautement probable que les images, par exemple, les images dans les grottes ou à l'air libre, aient eu un rapport avec les mythes, mais rien ne montre qu'ils aient illustré des mythes. Le rapport entre des images ou des objets et la mythologie peut être extrêmement complexe. Et malheureusement, établir un rapport direct, beaucoup s'y sont essayés, mais beaucoup se sont cassés les dents et je ne pense pas qu'il soit possible d'établir un rapport absolument direct. Jean-Luc Lecalec, un très grand merci d'avoir été en ligne avec nous de votre Vendée. Je rappelle que vous avez très largement contribué au beau hors-série Le Monde, la vie, l'histoire des mythes fondateurs, voyage dans l'imaginaire de l'humanité, qui vient juste de paraître, que votre dernier ouvrage Avant nous le déluge, l'humanité et ses mythes, vient d'être publié aux éditions Détour. Carbone 14 était réalisé par Louise André, à la technique Amandine Grévoz, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.